6. Pauvre Thérèse. Thérèse a été transportée dans la chambre de son frère. Elle y est étendue tout habillée sur le lit, où elle s'est assoupie, brisée par l'émotion. Son sommeil est agité, et de ses lèvres entr'ouvertes s'échappent à intervalles des paroles sans suite. Clément, depuis l'instant où il a fait amener chez lui sa sœur, à peine revenue de son évanouissement, ne lui a pas adressé une question, pas dit un mot. Il est assis près du lit, accoudé sur sa table de travail, absorbé dans ses réflexions, laissant brûler sa lampe, quoique déjà il fasse grand jour. Son père, frappé dans ce qu'il a de plus cher au monde, l'honneur, sa mère, à qui cet événement donnera peut-être le coup de la mort. Marcel, qui l'a quitté hier, sombre, taciturne, sans lui dire « je reviendrai demain », son avenir à lui-même perdu, à la suite de ce scandale public. Telles sont les lugubres images qui, depuis de longues heures, passent et repassent devant ses yeux. Mais ses traits ne sont plus décomposés par la colère. Ses mouvements ont cessé d'être convulsifs. Son regard est devenu tranquille. Il a le calme de la résolution. Pauvre enfant, ce n'est pas un vengeur. C'est un soutien qu'il te faut. Seul je puis être ce soutien. Je le serai. En parlant ainsi, il contemple avec attendrissement cette jeune fille qu'il laissa dans son village, si fraîche, si jolie, si heureuse, et qu'il retrouve avec des joues décolorées, un front chagrin, sur lequel est à jamais écrit cet arrêt fatal « Malheur ». Au même instant, Thérèse tressaille. « L'infâme, l'infâme » dit-elle. Puis, se redressant par un mouvement brusque, elle se trouve assise sur le bord du lit. Elle se frotte les yeux, jette autour d'elle un regard étonné, voit Clément et s'élance à son cou. « Mon frère, mon frère, oh, je n'ai plus peur, tu me défendras. »« Calme-toi, Thérèse, oui, je te le jure, quelle que soit ta faute, je te défendrai. » « Ma faute, mais je ne suis pas coupable, Clément. »« Non, je ne suis pas coupable. » »« Épargne-toi l'embarras d'une justification impossible. Elle ne me donnerait ni plus de force, ni plus de dévouement. »« Oh, mon Dieu, il refuse de m'entendre, lui, mon frère, qui sait que je n'ai jamais menti, et qui donc me croira dans le monde ?» Clément garde le silence. « Condamné, condamné par ceux-mêmes qui ne devraient point douter de moi. » Thérèse, s'il n'y avait eu pour t'accuser que ta présence dans un lieu où tu ne devais point venir, je t'écouterais. S'il n'y avait pour me convaincre que les paroles de Fulgence, ce serait toi que je croirais. Mais j'ai lu une lettre signée de ton nom, écrite de ta main. Et cette lettre est celle que, ne pouvant te croire, je ne veux, je ne dois point t'écouter. Il a raison, murmura Thérèse avec accablement. La trame a été si habilement ourdie que toutes les apparences sont contre moi. La vérité dans ma bouche ne paraîtrait qu'une fable arrangée à plaisir pour ma défense. La porte s'ouvre. Marcel paraît. « Ah, te voilà, » dit Clément. « Merci, et pardonne-moi. Je t'accusais déjà de m'avoir abandonné. »« T'abandonner ? Tu me connais mal, » répond Marcel. « Mais passer la nuit ici, c'était impossible. » »« Et même à présent, tiens, si tu m'en crois, sortons. Nous parlerons aussi bien dehors de ce que nous avons à faire. » Thérèse attachait sur Marcel, qui avait affecté de ne point l'apercevoir, ses yeux humides et suppliants. « Sortons, te dis-je, sortons. Je ne saurais rester un instant de plus. Marcel, Marcel !» s'écrie douloureusement Thérèse. Marcel ne peut se dispenser de se retourner, quoiqu'il essaye de prendre un air sévère. On voit que ses jambes fléchissent et que des larmes roulent sous ses paupières. Bientôt il s'indigne de sa faiblesse. Il se monte l'esprit. Sa voix, incertaine et tremblante, s'affermit pour arriver graduellement aux plus rudes inflexions de la colère. « Ah, c'est vous, mademoiselle Thérèse, craignez rien, je n'ai pas l'intention de vous adresser des reproches, quoique vous m'ayez bien fait souffrir. Vous étiez votre maîtresse, le notaire n'y avait pas encore passé. Vous ne m'aviez fait des serments. Des serments, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça lie des serments? Garder son cœur à celui qui n'est plus là? Allons donc, ça se jure, mais ça ne se fait point. » Clément l'interrompt. « Marcel, tu vois bien qu'elle souffre, ménage-la. » Et m'a-t-elle ménagé, moi, qui l'aimais toute mon âme, qui avait reçu sa foi, qui croyait en elle comme en Dieu? Ah, ah, ah, pauvre niais, compter sur la parole d'une femme assez belle pour se faire aimer d'un monsieur. Tu avais donc perdu la cervelle, paysan que tu es. Dans le fait, c'est si séduisant, un monsieur. Et ça n'a pas de cœur, c'est vrai, mais ça a des mains blanches, du beau linge et des paroles dorées. Être la femme d'un honnête paysan, fi, vaut-il pas bien mieux 3 mois de gloriole avec un monsieur? Et le déshonneur après ? Thérèse regarde Marcel avec une douleur inexprimable. Clément s'indigne et se contient avec peine. Je t'aurais cru plus généreux, Marcel. Je ne te laisserai point insulter ma sœur en ma présence. Retire-toi. Ah, c'est comme ça, tu le prends ? Retire-toi, Marcel. Arrête, frère, s'écrie Thérèse, tu n'as pas le droit de lui parler ainsi. Ces reproches si durs qui te blessent et me tuent, si je les méritais, il aurait raison de me les faire, et il croit, il doit croire que je les mérite. Mais lors même qu'il serait volontairement injuste et cruel, ce ne serait encore pas à toi de le lui dire, et tu peux encore moins, sans ingratitude, chasser de ta maison l'ami qui s'est sacrifié pour toi. Sacrifié ? Oui, frère, si Marcel porte l'habit que tu vois, s'il a vendu sa liberté, son sang, c'est pour toi. C'était pour donner les moyens de t'envoyer de l'argent à notre père, qui n'en avait plus. Tu as fait cela, Marcel ? Tu as fait cela ? Oh, la belle chose, et qui vaut bien la peine qu'on en parle, réplique Marcel d'un ton brusque. Qu'est-ce que cela prouve ? V'là Thérèse, si je m'en rapporte à ce que mon oncle m'a fait écrire, qui s'est aussi mise en service pour t'aider à devenir avocat. Est-ce qu'elle en est meilleure ? Est-ce qu'elle en a été plus fidèle ? Ma sœur aussi ? Clément attire vivement Thérèse dans ses bras. Il la presse contre son cœur. Il lui baise les mains. Et c'est pour moi que tu es aujourd'hui malheureuse. C'est pour moi que tu es venue te jeter, pauvre victime, au milieu de ce monde corrompu qui ne respecte ni la faiblesse, ni la simplicité, ni l'ignorance du danger. Ah, je voulais te protéger par devoir. Maintenant, c'est par reconnaissance que je te soutiendrai. Puis, tendant la main à son cousin, « Pardonnez-moi un moment de vivacité, mon bon, mon généreux Marcel. »« Je le veux bien, » répond celui-ci, dont les larmes finissent par se faire jour en sillonnant ses joues. « Je conviens que j'ai peut-être dit des choses qu'il valait mieux garder en dedans. C'est que j'ai le cœur gros, vois-tu. Il faut que ça parte ou que ça m'étouffe. Sapristi, je suis donc plus faible qu'une femme. Un nouveau-né ne serait pas si bête que moi. V'là que je pleure. » Marcel se jette sur une chaise. Il est coude sur les genoux, la tête dans les mains. Il ne cherche plus à comprimer ses sanglots. Clément contemple sa sœur et son cousin avec une profonde émotion. Tous deux, si dignes d'être heureux, et voués pour jamais au malheur. Pourquoi ? Parce qu'un honnête cultivateur, méprisant son état, a cru grandir son fils en se ruinant pour le mettre au niveau des hommes d'un monde supérieur. Folle et aveugle vanité. Ils sont bien grands, ces hommes, en effet. Pour me tenir à leur hauteur, n'ai-je pas renié la sœur que son dévouement pour moi avait faite leur esclave et leur victime ? N'ai-je pas rougi devant eux de l'ami qui s'était vendu pour moi ? Ne l'ai-je pas abandonné lâchement à l'impitoyable verve de leur moquerie ? Oh oui, ils sont bien grands. Quoi qu'on m'ait donné leur langage, leur manière, leur costume, pas un d'eux ne viendrait aujourd'hui serrer la main de l'homme qui a un père paysan, un cousin soldat, une sœur femme de chambre. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un jet paré des plumes du pan, qu'un transfuge, qu'un intrus qu'on méprise et qu'on chasse. Eh bien, nous verrons. Dans son exaltation, Clément n'a point pris garde qu'un jeune homme vient d'entrer, et que ce jeune homme, après l'avoir écouté en silence, s'est approché de lui pour lui mettre une main dans la sienne. « Ami, je comprends ton indignation, mais elle te rend injuste, Georges. Notre société, dans ses diverses classes, offre des vices et des travers. Mais humble ou élevé, pauvre ou riche, il n'est point de classe entièrement gangrénée ou ridicule. Dans tout, on respecte l'homme de bien, quel qu'il soit, et l'on s'honore d'avoir son amitié. Je n'ai jamais douté de toi, Georges. Tu en as douté. Si tu m'as parlé plus ouvertement qu'à d'autres, ce n'a jamais été avec une sincérité sans réserve. Mais je ne viens point récriminer contre l'ami coupable. Je viens me mettre à la disposition de l'ami malheureux. Merci, merci. Non que ton aide me soit nécessaire. Nul, dans la mission que je me suis imposée, ne peut me suppléer ni me seconder. Mais ta démarche, en me prouvant qu'on trouve encore dans ton monde des âmes qui ne sont point perverties, affermit mon courage, me confirme dans ma résolution, et me permet de concevoir un peu d'espérance. Merci encore une fois, Georges. Ta visite m'a fait du bien. Repousses-tu mes offres parce que je suis un parent de ton adversaire ? C'est à cause de cela pourtant que je viens m'offrir à toi, et c'est aussi à cause de cela que tu dois m'accepter. La famille d'Orvault doit protester contre le crime d'un de ses membres. Cette protestation, ce sera ma présence parmi les témoins. À la bonne heure, s'écria Marcel en se levant pour aller secouer la main de Georges. Vous êtes un brave et digne ami. Vous, je vous aime. Tu ne penses pas à l'importance de ce que tu veux faire, dit Clément. Je sais, reprend Georges, que ma conduite sera diversement appréciée. Je ne m'en préoccupe point. Je n'ai consulté que ma conscience. Ce qu'en toute autre circonstance j'aurais fait pour toi, par inclination seulement, c'est par fidélité à mes principes que je suis venu te l'offrir aujourd'hui. Je compte sur vous aussi, moi, sapristi, reprend Marcel. Il n'est pas dit que le premier coup porte, et ne croyez pas que tout sera fini, parce que le ciel aura permis que le cousin succombe. Ces derniers mots ont frappé Thérèse. Elle court à son frère avec effroi. Elle l'entoure de ses deux bras. « Tu ne te battras pas, Clément. Je ne veux pas que tu te battes. »« Je ferai ce qu'il faudra que je fasse, et ce que Dieu m'inspirera, » répond Clément, en la repoussant avec douceur. « Quant à vous, mes amis, votre concours en ce moment me serait inutile, puis-je n'en avoir pas besoin plus tard. C'est entre Fulgence et moi que doit d'abord être vidée l'affaire. Quel est ton projet ? Demande Georges surpris. Sans témoin. Sans témoin, s'écrie Marcel, ça ne se peut pas. Il y en aura un seul, et auquel celle de Fulgence n'a point songé. Mais s'il arrivait que devant ce témoin, le crime, soutenu par l'orgueil, fût le plus fort, oh alors mes amis, alors, tenez, brisons-la. Rien qu'à cette pensée, mon sang bouillonne dans mes veines. Et dans ce moment, ce n'est pas de la colère qu'il me faut, c'est du calme. Sur la promesse de Clément, qu'il les appellerait aussitôt que leur présence deviendrait utile, Georges et Marcel se retirent. Clément, resté seul avec sa sœur, lui donne un baiser sur le front en disant « Et toi, sœur, pendant mon absence, prie le ciel, afin qu'il rende ma parole éloquente et persuasive. » Une heure après, il se faisait introduire dans le cabinet de M. Dorvaux. « Monsieur, lui dit-il avec la dignité d'un homme pénétré de l'importance et de la sainteté de sa mission. J'ai à traiter avec M. Fulgence une affaire d'honneur. Je désirerais que ce fût en votre présence. » M. Dorvaux sonna un domestique. « Qu'on fasse venir mon fils. »